les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un père qui, jour et nuit, veut aller juger. Un fils que l'amour tient au cœur de bon matin. Un homme qui veut plaider toujours, un autre toujours juger. Une femme qui prétend que ses procès sont presque finis. Il ne lui en reste que 4 ou 5 petits, l'un contre son mari, l'autre contre son père, et un autre contre ses enfants. Plaider, être plaideur, juger, être juge. Fuir les procès, ce serait méchanceté pure. Être un avocat fort ignorant, et quand bien même un avocat fort ignorant endormirait quiconque tout aussi bien qu'un autre. Matinée classique proposait le 7 décembre 1949 aux auditeurs de la chaîne nationale une comédie signée Jean Racine. Vous entendrez à présent Les Plaideurs, comédie en 3 actes de Racine, dont voici la présentation par M. Thierry Monnier. Les Plaideurs sont la seule comédie de Racine. Et au moment où il écrit cette comédie, à 28 ans, il est en pleine rivalité avec Corneille, qui a écrit lui plusieurs pièces comiques. Et il est brouillé depuis peu de temps avec l'auteur comique par excellence, avec Molière. Je ne suis pas éloigné de croire que c'est surtout pour porter la bataille sur le terrain de ces deux rivaux que Racine a écrit Les Plaideurs. Après Andromaque, où il a donné sa vraie mesure, chacun attend de lui une autre grande tragédie, une tragédie aussi riche, aussi noire, quelque œuvre qui achève, en somme, la victoire de Racine sur Corneille déjà ébranlé. Or, Racine n'offre alors à ses admirateurs qu'une comédie de circonstances, composée peut-être sur des tables de cabaret avec les conseils ou la collaboration de ses amis, un amusement sans grandes conséquences. Il ne semble pas que Racine lui-même ait attaché une très grande importance, ni consacré un travail très considérable à cet ouvrage, d'ailleurs très agréable. Je ne sais qui a prétendu le premier que Racine aurait pu, en persévérant dans la comédie, devenir l'égal de Molière. Si on juge le génie comique de Racine sur Les Plaideurs, vous pourrez vous faire une opinion, mais j'estime pour moi que d'un Racine auteur de comédie, Molière n'avait rien à craindre. Les Plaideurs restent très au-dessous de Don Juan, de Tartuffe, de L'École des Femmes, d'Amphitryon. Ils restent même au-dessous des meilleures comédies de Corneille, de L'Illusion comique ou du Menteur. Ce n'est pas dans la comédie que Racine eût pu l'emporter sur Corneille. Si la comédie de Racine est pourtant brillante, c'est par des qualités qui n'ont rien de commun avec les qualités de ses tragédies. C'est par une sorte d'élégance et de sécheresse. Ce qu'il y a dans Les Plaideurs, ce sont les preuves de l'extraordinaire métier de la maîtrise souveraine de Racine, d'une habileté qui n'est inférieure à aucun des problèmes du théâtre. Les tragédies de Racine comptent dans ce que le théâtre a produit de plus vigoureux et Les Plaideurs sont une comédie assez frêle. Les hommes, les femmes de Racine apportent tous sur la scène une personnalité éclatante. Les personnages des Plaideurs sont un peu schématiques. Dans les tragédies de Racine, l'amour règne en maître. Dans Les Plaideurs, il n'a pour ainsi dire aucune place. Et de tous les personnages des jeunes amoureux, Léandre et Isabelle, sont les plus effacés. Ils ont beaucoup moins de vivacité, de vie, d'importance dans l'action et pour tout dire d'existence que ceux de Petit Jean ou de L'Intimé. En fait, il semble que dans cette comédie très amusante mais d'une portée limitée, Racine ait surtout voulu faire une démonstration de maîtrise. La façon dont il y désarticule les vers est étonnante, à peu près sans analogue au XVIIe siècle, et elle annonce déjà Hugo et même Rostand. Racine a également profité de l'occasion pour lancer contre Corneille les flèches de la parodie, pour une vengeance ou une censure qu'on peut d'ailleurs trouver un petit peu mesquine. 3 fois il revient à la charge et c'est pour tourner en dérision le Cid. Ses rides sur son front gravées tous ses exploits, ou bien encore « Viens mon sang, viens ma fille », ou bien encore « Achève et prends ce sac ». Ce sont là vengeance d'écoliers contre le maître et moins méchantes que les lettres sur les hérésies imaginaires. Elles avouent dans leur irrévérence un ressentiment qui est encore un signe de faiblesse. L'important est qu'elles nous montrent, au moment de la composition des plaideurs, la pensée de Racine tournée vers l'extérieur, appliquée à la polémique et à l'insolence, non à l'exploration de son propre monde. Les plaideurs n'ont point de place propres dans la courbe de l'œuvre de Racine, dans la dialectique de Racine, ils ne s'inscrivent pas, à vrai dire, entre Andromaque et Britannicus, mais en quelque sorte dans leur marge. Voici quelle sera la distribution des plaideurs. Messieurs Denis Dinès, Dandin. Jean Weber, Léandre. Jean Meyer, L'Intimé. Jacques Charon, Petit Jean. Georges Chamara, Chicano. Georges Poulot, Le Souffleur. Mesdames Denise Jans, La Comtesse. Jeanne Moreau, Isabelle. La scène est dans une ville de Basse-Normandie. Sur l'avenir d'un fou qui spira, tel qui rit vendredi, dimanche pleura. Un juge l'an passé me prit à son service. Il m'avait fait venir d'Amiens pour être suisse. Tous ces Normands voulaient se divertir de nous. On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups. Tout picard que j'étais un bon apôtre et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre. Tous les plus gros monsieur me parlaient chapeau bas. Monsieur de Petit Jean, gros comme le bras. Mais sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Ma foi, j'étais un franc portier de comédie. On avait beau heurter, m'ôter mon chapeau, on n'entrait point chez nous sans graisser le marteau. Point d'argent, point de suite. Et ma porte était close. Il est vrai qu'à monsieur, j'en rendais quelque chose. Nous comptions quelquefois. On me donnait le soin de fournir la maison de chandelles et de foin, mais je n'y perdais rien. Enfin, vaille que vaille, j'aurais sur le marché fort bien fourni la paille. C'est dommage. Il avait le cœur trop en métier. Tous les jours le premier au plaid et le dernier, et bien souvent tout seul. Si l'on lui voulait croire, il y serait couché sans manger et sans boire. Je lui disais parfois, « Monsieur Perrin Dandin, tout franc, vous vous levez tous les jours trop matin, qui veut voyager loin, ménage sa monture, buvez, mangez, dormez, et faisons feu qui dure. » Il en a tenu compte. Il a si bien veillé et si bien fait qu'on dit que son timbre est brouillé. Il nous veut tous juger, les uns après les autres. Il marmotte toujours certaines patenots, tout ça ne comprend rien. Il veut bon gré mal gré ne se coucher qu'en robe et qu'en bonnet carré. Il fit couper la tête à son coq de colère pour l'avoir éveillé plus tard qu'à l'ordinaire. Il disait qu'un plaideur dont l'affaire allait mal avait graissé la patte à ce pauvre animal. Depuis ce bel arrêt, le pauvre homme a beau faire, son fils ne souffre plus qu'on lui parle d'affaires. Il nous le fait garder jour et nuit, et de près. Autrement, serviteur, et mon homme est au plaid, ou pour s'échapper de nous, Dieu sait s'il est allègre. Et pour moi, je ne dors plus. Oh, si je deviens maigre, c'est pitié. Je m'étends. Et de fait que bailler. Mais veille qui voudra, voici mon oreiller. Ma foi, pour cette nuit, il faut que je m'en donne. Pour dormir dans la rue, on n'offense personne. Dorme. Petit Jean. Il a déjà bien peur de me voir enrhumé. Que diable, si matin, que fais-tu dans la rue? Est-ce qu'il faut toujours faire le pied de grue? Garder toujours un homme et l'entendre crier? Quelle gueule! Pour moi, je crois qu'il est sorcier. Bon. Je lui disais donc, en me grattant la tête, que je voulais dormir. « Présente ta requête, comme tu veux dormir », m'a-t-il dit gravement. « Je dors en te contant la chose seulement. Bonsoir. » « Comment bonsoir? Que le diable m'emporte si... » Mais j'entends du bruit au-dessus de la porte. « Petit Jean, l'Intimé, ben, je suis seul ici. Voilà mes guichetiers en défaut. Dieu merci. Si je leur donne temps, ils pourront comparaître. Ça pour nous élargir. » Sautons par la fenêtre. Hors de coup. Comme il saute. Oh, monsieur, je vous tiens. Oh, valeur. Oh, allez en pierre. Vous avez beau crier. Ma porte, l'on me tue. Vite, un flambeau, j'entends mon père dans la rue. Mon père, ce matin, qui vous fait déloger? Où courez-vous la nuit? Je veux aller juger. Et qui juger tout d'or? Ma poisonne d'orgueil. Que de ça, qu'il en a juste aux artères. Je ne veux de 3 mois rentrer dans la maison. De sac et de procès, j'ai fait provision. Et qui vous nourrira? Le buffetier, je pense. Mais où dormirez-vous, mon père? à l'audience. Non, mon père, il vaut mieux que vous ne sortiez pas. Dormez chez vous. Chez vous, faites tous vos repas. Souffrez que la raison enfin vous persuade. Et pour votre santé... Je veux être malade. Vous ne l'êtes que trop. Donnez-vous du repos. Vous n'avez tantôt plus que la peau sur les os. Du repos. Ah, sur toi, tu veux régler ton père. Crois-tu qu'un juge n'ait qu'à faire bonne chère, qu'à battre le pavé comme un tas de galants, courir le bal la nuit et le jour les brûlants? L'argent ne nous vient pas si vite que l'on pense. Chacun de tes rubans me coûte une sentence. Ma robe vous fait honte. Un fils de juge. Ah, fille, tu fais le gentilhomme. Et dandin, mon ami. Regarde dans ma chambre et dans ma garde-robe les portraits des dandins. Tous ont porté la robe. Et c'est le bon parti. Compare prix pour prix les étrennes d'un juge à celles d'un marquis. Attends que soyons à la fin de décembre. Qu'est-ce qu'un gentilhomme, un pilier d'antichambre? Combien en as-tu vu, je dis, des plus huppés, à souffler dans leurs doigts, dans ma cour, occuper le manteau sur le nez ou la main dans la poche, pour se chauffer, venir tourner ma broche. Voilà comme on les traite. Ah, mon pauvre garçon. De ta défunte mère, est-ce là la leçon, la pauvre babonnette? Et là, lorsque j'y pense, elle ne manquait pas une seule audience. Jamais, au grand jamais, elle ne me quitta. Et Dieu sait bien souvent ce qu'elle en rapporta. Elle eut du buvetier emporter les serviettes plutôt que de rentrer au logis les mains nettes. Et voilà comment on fait les bonnes maisons. Va, tu ne seras qu'un sot. Vous vous morfondez là, mon père. Petit Jean, remenez votre mère. Couchez-le dans son lit, fermez portes, fenêtres, qu'on barricade tout, afin qu'il ait plus chaud. Faites donc mettre au moins des garde-fous là-haut. Quoi? L'on me mènera coucher sans autre forme? Obtenez un arrêt comme il faut que je dorme. Et par provision, mon père, couchez-vous. J'irai, mais je m'en vais vous faire enrager tous. Je ne dormirai point. Eh bien, à la bonne heure. Qu'on ne le quitte pas, soit l'intimé demeure. Je veux t'entretenir un moment sans témoin. Quoi? Vous faut-il garder? J'en aurais bon besoin. J'ai ma folie, hélas, aussi bien que mon père. Oh, vous voulez juger? Laissons là le mystère. Tu connais ce logis? Je vous entends, enfin. Viante, l'amour vous tient au cœur de bon matin. Vous me voulez parler sans doute d'Isabelle. Je vous l'ai dit 100 fois. Elle est sage, elle est belle. Mais vous devez songer que Monsieur Chicano, de son bien, en procès, consume le plus beau. Qui ne plaide-t-il point? Je crois qu'à l'audience, il fera, s'il ne meurt, venir toute la France. Tout auprès de son juge, il s'est venu loger. L'un veut plaider toujours, l'autre toujours juger. Et c'est un grand hasard s'il conclut votre affaire sans plaider le curé, le gendre et le notaire. Je le sais comme toi, mais malgré tout cela, je meurs pour Isabelle. Eh bien, épousez-la, vous n'avez qu'à parler, c'est une affaire prête. Hé, cela ne va pas si vite que ta tête. Ton père est un sauvage à qui je ferai peur. À moins que d'être huissier, sergent ou procureur, on ne voit point sa fille. Et la pauvre Isabelle, invisible et dolente, est en prison chez elle. Elle voit dissiper sa jeunesse en regret, mon amour en fumée, et son bien en procès. La ruinera si l'on le laisse faire. Ne connaîtrais-tu pas quel connaître faussaire qui servit ses amis en le payant en 100 ans? Et quelques sergents zélés. Bon, l'on en trouve tant. Mais encore. Ah, monsieur, si feu mon pauvre père était encore vivant, c'était bien votre affaire. Il gagnait en un jour plus qu'un autre en 6 mois. Ses rides sur son front gravaient tous ses exploits. Il vous eût arrêté le carrosse d'un prince. Il vous l'eût pris lui-même. Et si, dans la province, il se donnait en tout 20 coups de nerf de bœuf, mon père, pour sa part, en emboursait 19. Mais de quoi s'agit-il? Suis-je pas fils de maître? Je vous servirai. Toi? Mieux qu'un sergent, peut-être. Tu porterais au père un faux exploit? Tu rendrais à la fille un billet? Pourquoi non? Je suis les deux métiers. Viens, je l'entends qui crie. Allons à ce dessin révérailleur. Regarde la maison. Je reviendrai bientôt. Qu'on ne laisse monter aucune âme là-haut. Je fais porter cette lettre à la poste du Maine. Prends-moi dans mon clapier 3 lapins de garenne et chez mon procureur, porte-les ce matin. Si son clair vient séant, fais-lui goûter mon vin. Ah! Donne-lui ce sac qui pend à ma fenêtre. Est-ce tout? Il viendra me demander peut-être un grand homme sec, là, qui me sert de témoin et qui jure pour moi lorsque j'en ai besoin, qu'il m'attende. Je crains que mon juge me sorte. quatre heures vont sonner. Mais frappons à sa porte. Qui va là? Peut-on voir, monsieur? Non. Pourrait-on dire un mot à monsieur son secrétaire? Non. Et monsieur son portier? C'est moi-même. De grâce, buvez à ma santé, monsieur. Bon, bien vous passe. Et revenez demain. Hé! Rendez donc l'argent! Mon t'es devenu sans mentir bien méchant. J'ai vu que les procès ne donnaient point de peine, six écus en gagnaient une demi-douzaine, mais aujourd'hui, je crois que tout mon bien entier ne me suffirait pas pour gagner un portier. Mais j'aperçois venir madame la comtesse de Pavèche. Elle vient pour affaire qui presse. Madame! On n'entre plus! Eh bien! L'ai-je pas dit? Sans mentir, mes valets me font perdre l'esprit pour les faire lever. C'est en vain que je gronde. Il faut que tout le jour, j'éveille tout mon monde. Oui, absolument qu'il se fasse seuler. Pour moi, depuis deux jours, je ne lui puis parler. Ma partie est puissante et j'ai lieu de tout creux. Après ce qu'on m'a fait, il ne faut plus se plaindre. Si pourtant j'ai bon droit. Ah, monsieur, quel arrêt! Je me rapporte à vous. Écoutez, s'il vous plaît. Il faut que vous sachiez, monsieur, la perfide. Ce n'est rien, dans le fond. Monsieur, que je vous dis. Voici le fait. Depuis 15 ou 20 ans, oh, ça. Au travers d'un bien près, certains nanos passa. Vautras, non sans faire un notable dommage, dont je formais ma plainte au juge du village. Je fais saisir l'anneau, un expert est nommé. À deux bottes de foin, le dégât estimé. Enfin, au bout d'un an, sentence par laquelle nous sommes renvoyés hors de cour. J'en appelle. Pendant qu'à l'audience, on poursuit un arrêt, remarquez bien ceci, madame, s'il vous plaît. Notre ami Drolichon, qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête et je gagne ma cause. À cela que fait-on, mon chicaneur s'oppose à l'exécution. Autre incident, tandis qu'au procès au travail, ma partie en mon pré laisse aller sa volaille. Ordonnez qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger une poule en un jour. Le tout joint au procès, enfin, et toute chose demeurant en état, on appointe la cause le 5e ou 6e avril 56. J'écris sur nouveaux frais. Je produis, je fournis, je dis, je contredis, enquête compulsoire, rapport d'experts, transport, trois interlocutoires, griefs des faits nouveaux, faux et procès verbaux. J'obtiens l'être royaux et je m'inscris en faux. 14 appointements, 30 exploits, 6 instances, 6 20 productions, 20 arrêts de défense. Arrête enfin. Je perds ma cause avec défense, estimée environ 5 à 6 000 francs. Est-ce l'affaire droit? Est-ce cela comme on juge? Après 15 ou 20 ans, il me reste en refuge. La requête civile est ouverte pour moi. Je ne suis pas rendu. C'est vous comme je vois. Vous plaidez. Plus à Dieu? Vous brûlerez mes lèvres. Je... Deux bottes de foin. 5 à 6 000. Monsieur! Tous mes procès allaient être finis. Il ne m'en restait plus que 4 ou 5 petits, l'un contre mon mari, l'autre contre mon père et contre mes enfants. Ah, monsieur, la misère! Je ne sais quel biais ils ont imaginé, ni tout ce qu'ils ont fait, mais on leur a donné un arrêt par lequel, moi, vêtue et nourrie, on me défend, monsieur, de plaider, de ma vie. De plaider! Certes, le trait est noir, j'en suis surpris. Monsieur, j'en suis au désespoir. Comment lier les mains aux gens de votre sort? Mais cette pension, madame, est-elle forte? Je n'en vivrai, monsieur, que trop honnêtement. Mais vivre sans plaider, est-ce contentement? Les chicaneurs viendront nous manger jusqu'à là, mais nous ne dirons mot. Et s'il vous plaît, madame, depuis quand plaidez-vous? Je ne m'en souviens pas, depuis 40 ans ou plus. Je n'ai pas trop. Et là? Et quel âge avez-vous? Vous avez bon visage. Et quel que soit en temps. Comment c'est le bel âge pour plaider? Laissez faire. Ils ne sont pas au bout. J'y vendrai ma chemise. Et je veux rien ou tout. Madame, écoutez-moi. Voici ce qu'il faut faire. Oui, monsieur, je vous ferai comme mon propre père. J'irai trouver mon juge. Oh oui, monsieur, j'irai. Me jeter à ses pieds. Oui, je lui jetterai, je l'ai bien résolu. Mais déliez ton mental. Oui, vous prenez la chose ainsi qu'il la faut prendre. Avez-vous dit, madame? Oui. J'irai, sans façon, trouver mon juge. Hélas, que ce monsieur est bon. Si vous parlez toujours, il faut que je me taise. Oh, que vous m'abusez. Je ne me sens pas d'aise. J'irai trouver mon juge et lui dirai... Oui. Quoi? Et lui dirai, monsieur... Oui, monsieur. Et moi. Monsieur, je ne veux pas être lié. Allô? Je ne la ferai point. Quelle humeur est la vôtre? Non! Vous ne savez pas, madame, où je viendrai. Je plaiderai, monsieur, ou bien je ne pourrai. Mais... Mais je ne veux pas, monsieur, que l'on me lie. Enfin, quand une femme en tête à sa folie... Vous-même? Madame! Et pourquoi? quoi me lier. Madame! Voyez-vous, ils seront familiers. Madame! Un crasseux qui n'a que sa chicane veut donner des avis. Madame! Avec son âne. Poussez! Bonhomme! Allez garder vos foins. Vous m'excédez! Le sot! Connais-je les témoins? Voyez le beau sabbat qu'il prend à notre porte. Messieurs! Allez plus loin, tempêtez de la tente. Monsieur! Soyez témoin! Que monsieur est un sot! Monsieur! Vous l'entendez? Retenez bien ce mot! Ah, vous ne deviez pas lâcher cette parole! Vraiment, c'est bien à lui de me traiter de folle! Folle? Vous avez tort, pourquoi l'injuriez? Pour la conseil! Oh. Oui, de me faire lier! Oh, monsieur! Jusqu'au bout que ne m'écoute-t-elle! Oh, madame! Qui? Moi? Souffrir qu'on me querelle? Crieux! Épais! Un chicaneur! Oh là! Qui n'ose plus plaider! Que t'importe cela, qu'est-ce qui t'en revient? Faussaire abominable! Brouillon! Voleur! Et bon! Et bon! De par le diable! Un sergent! Un huissier! Ma foi, juge et plaideur, il faudrait tout lier. Monsieur, encore un coup, je ne puis pas tout faire. Puisque je fais l'huissier, faites le commissaire. En robe, sur mes pas, il ne faut que venir. Vous aurez tout moyen de vous entretenir. Changez en cheveux noirs votre perruque blonde. Ces plaideurs songent-ils que vous soyez au monde? Lorsqu'à votre père ils vont faire leur cours, à peine seulement savez-vous s'il est jour. Mais n'admirez-vous pas cette bonne comtesse qu'avec tant de bonheur la fortune m'adresse, qui dès qu'elle me voit tombant dans le panneau, me charge d'un exploit pour monsieur Chicano et le fait assigner pour certaines paroles, disant qu'il la voudrait faire passer pour folle, je dis folle alliée, et pour d'autres excès et blasphèmes, toujours l'ornement des procès. Mais vous ne dites rien de tout mon équipage. Ai-je bien d'un sergent le port et le visage? Oh, fort bien! Je ne sais, mais je me sens enfin l'âme et le dos 6 fois plus dur que ce matin. Quoi qu'il en soit, voici l'exploit et votre lettre. Isabelle Laura, j'ose vous le promettre, mais... Pour faire signer le contrat que voici, il faut que sur mes pas, vous rendiez ici. Vous feindrez d'informer sur toute cette affaire et vous ferez l'amour en présence du père. Mais ne va pas donner d'exploit pour le billet. Le père aura l'exploit, la fille le poulet. Rentrez. Qui frappe? Ami. C'est la voix d'Isabelle. Demandez-vous quelqu'un, monsieur. Mademoiselle, c'est un petit exploit que j'ose vous prier de m'accorder l'honneur de vous signifier. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pu rien comprendre. Mon père va venir, qui pourra vous entendre. Il n'est donc pas ici, mademoiselle? Non. L'exploit, mademoiselle, est mis sous votre nom. Oh, monsieur, vous me prenez pour une autre, sans doute. Sans avoir de procès, je sais ce qu'il en coûte. Et si l'on n'aimait pas appeler des plus que moi, vos pareils pourraient bien chercher un autre emploi. Adieu. Mais permettez. Je ne veux rien permettre. Ce n'est pas un exploit. Chanson. C'est une lettre. Encore moins. Mais lisez. Vous ne m'y tenez pas. C'est de monsieur. Adieu. Léandre. Parlez bas. C'est de monsieur. Que diable. On a bien de la peine à se faire écouter. Je suis tout hors d'haleine. Oh, l'intimé. Pardonne à mes sens étonnés, donne. Vous me deviez fermer la porte au nez. Et qui t'aurait connu déguisé de la sorte, mais donne. Aux gens de bien, ouvre-t-on votre porte? Et donne, donne. La peste. Oh, ne donnez donc pas. Avec votre billet, retournez sur vos pas. Tenez. Une autre fois, ne soyez pas si prompt. Je suis donc un sot, un voleur à son compte. Un sergent s'est chargé de la remercier. Et je lui vais servir un plat de mon métier. Je serais bien fâché que ce fût à refaire, ni qu'elle m'envoyât à signer la première. Un homme ici parle à ma fille. Comment? Elle lit un billet? Ah, c'est de quelque amant. Approchons. Bon, ton maître est-il sincère, le croirais-je? Il ne dort non plus que votre père. Il se tourmente, il vous... fera voir aujourd'hui que l'on ne gagne rien à plaider contre lui. C'est mon père. Vraiment, vous leur pouvez apprendre que si l'on nous poursuit, nous saurons nous défendre. Tenez, voilà le cas qu'on fait de votre exploit. Comment? C'est un exploit que ma fille Lisoie. Oh, tu seras un jour l'honneur de ta famille. Tu défendras ton bien. Viens, mon sang. Viens, ma fille. Va, je t'achèterai le praticien François. Mais d'autres, il ne faut pas déchirer les exploits. Au moins, dites-leur bien que je ne les crains guère. Ils me feront plaisir. Je les mets à pifet. Et ne te fâche point. Adieu, monsieur. Alors ça, verbalisons. Monsieur de grâce, excusez-la. Elle n'est pas instruite. Et puis, si bon vous semble, en voici les morceaux que je vais mettre ensemble. Non. Je le lirai bien. Je ne suis pas méchant. J'en ai sur moi copie. Ah, le trait est touchant. Mais je ne sais pourquoi plus je vous envisage. Et moi, je me remets, monsieur, votre visage. Je connais fort huissier. Informez-vous de moi, je m'acquitte assez bien de mon petit emploi. Soit. Pour qui venez-vous? Pour une brave dame, monsieur, qui vous honore, et de toute son âme voudrait que vous vinssiez à ma sommation lui faire un petit mot de réparation. De réparation? Je n'ai blessé personne. Je le crois, vous avez, monsieur, l'âme trop bonne. Que demandez-vous donc? Elle voudrait, monsieur, que devant des témoins, vous lui fissiez l'honneur de l'avouer pour sage et point extravagant. En plus, c'est ma comtesse. Elle est votre servante. Je suis son serviteur. Vous êtes obligeant, monsieur. Oui, vous pouvez l'assurer qu'un sergent lui doit porter pour moi tout ce qu'elle demande. Et quoi donc? Les battus, ma foi, paieront la mode. Voyons ce qu'elle chante. Sixième janvier, pour avoir faussement dit qu'il fallait lier, étant à se porter par esprit de chicane, haute et puissante dame Yolande Cudane, comtesse de Pimbèche, Forbèche, etc. Il soit dit que sur l'heure, il se transportera au logis de la dame. Et là, d'une voix claire, devant quatre témoins, assistés d'un notaire, zeste, le dit Jérôme avouera hautement qu'il la tient pour sensé et de bon jugement. Le bon. C'est donc le nom de votre seigneurie. Pour vous servir. Il faut payer des fronderies. Le bon. Jamais exploit ne fut signé le bon. Monsieur le bon. Monsieur. Vous êtes un fripon. Monsieur, pardonnez-moi, je suis fort honnête homme. Mais fripon le plus franc qui soit de camp à Rome. Monsieur, je ne suis pas pour vous désavouer. Vous aurez la bonté de me le bien payer. Quoi payer? En soufflet. Vous êtes trop honnête, vous me le paierez bien. Oh, tu me rends la tête. Tiens, voilà ton paiement. Un soufflet. Écrivons. Lequel Jérôme, après plusieurs rébellions, aurait atteint, frappé, moi, sergent, à la joue, et fait tomber d'un coup mon chapeau dans la boue. Ajoute cela! Bon, c'est de l'argent comptant, j'en avais bon besoin. Et de ce non comptant, aurait avec le pied réitéré, courage! Autre plus, le susdit serait venu de rage pour lacérer le dit présent procès verbal. Allons, mon cher monsieur, cela ne va pas mal, ne vous relâchez point. Coquin! Ne vous déplaise, quelques coups de bâton et je suis à mon aise. Oui, je verrai bien s'il est sergent. Tôt donc! Frappé? J'ai quatre enfants à nourrir. Oh, pardon. Monsieur, pour un sergent, je ne pouvais vous prendre. Mais le plus habile homme, enfin, peut se méprendre. Je saurai réparer ce soupçon outrageant. Oui, vous êtes sergent, monsieur, et très sergent, touchez-là. Vos pareils sont gens que je révère, et j'ai toujours été nourri par feu mon père, dans la crainte de Dieu, monsieur, et des sergents. Non, à si bon marché, l'on ne bat point les gens. Monsieur, point de procès. Serviteur, contumace, bâton levé, soufflet, coup de pied, De grâce, rendez-les-moi plus tôt. Suffit qu'ils soient reçus. Je ne les voudrais pas donner pour 1000 écus. Voici fort à propos, monsieur le commissaire. Monsieur, votre présence est ici nécessaire. Tel que vous me voyez, monsieur ici présent m'a, d'un fort grand soufflet, fait un petit présent. À vous, monsieur. À moi, parlant à ma personne. Item, un coup de pied, plus les noms qu'il me donne. Avez-vous des témoins? Monsieur, tâtez plutôt. Le soufflet sur ma joue est encore tout chaud. Prise en flagrant délit? Affaire criminelle. Point de bois. Plus sa fille, au moins, soi-disant elle, a mis un mien papier en morceaux protestant qu'on lui ferait plaisir et que d'un œil content, elle nous défiait. Faites venir la fille. L'esprit de contumace est dans cette famille. Il faut absolument qu'on mette en sorcelé. Si j'en connais pas un, je veux être étranglé. Comment? Battre un huissier? Mais voici la rebelle. Vous le reconnaissez? Eh bien, mademoiselle... C'est donc vous qui tantôt braviez notre officier et qui si hautement osez nous défier. Votre nom? Isabelle. Écrivez. Et votre âge? 18 ans. Elle en a quelque peu davantage, mais n'importe. Êtes-vous en pouvoir de mari? Non, monsieur. Vous auriez? Écrivez qu'elle arrive. Monsieur, ne parlons point de mari, des filles. Voyez-vous, ce sont là des secrets de famille. Mettez qu'il interrompt. Oh, je n'y pensais pas. Prends bien garde ma fille à ce que tu diras. Là, ne vous troublez point. Répondez à votre aise. On ne peut pas rien faire ici qui vous déplaise. N'avez-vous pas reçu de l'huissier que voilà certains papiers tantôt? Oui, monsieur. Bon, cela. Avez-vous déchiré ce papier sans le lire? Monsieur, je l'ai lu. Bon, continuez d'écrire. Et pourquoi l'avez-vous déchiré? J'avais peur que mon père ne prît l'affaire trop à cœur et qu'il ne s'échauffât le sang à sa lecture. Et tu fuis les procès, c'est méchanceté pure. Vous ne l'avez donc pas déchiré par dépit ou par mépris de ceux qui vous l'avaient écrit? Monsieur, je n'ai pour eux ni mépris ni colère. Écrivez. Je vous dis qu'elle tient de son père, elle répond fort bien. Vous montrez cependant, pour tous les gens de robe, un mépris évident. Une robe toujours m'avait choqué la vue, mais cette aversion à présent diminue. La pauvre enfant. Va, va, je te marierai bien dès que je le pourrai, s'il ne m'en coûte rien. À la justice, donc, vous voulez satisfaire? Monsieur, je ferai tout pour ne vous pas déplaire. Monsieur, faites-le signer. Dans les occasions, soutiendrez-vous au moins vos dépositions? Monsieur, assurez-vous qu'Isabelle est constante. Signé. Cela va bien. La justice est contente. Ça, ne signez-vous pas, monsieur? Oui, d'un gaiement. À tout ce qu'elle a dit, je signe aveuglément. Tout va bien. À mes voeux, le succès est conforme. Il signe un bon contrat écrit en bonne forme et sera condamné tantôt sur son écrit. Que lui dit-il? Qu'il est charmé de son esprit. Adieu. Soyez toujours aussi sage que belle. Tout ira bien. Huissier, remenez-la chez elle. Et vous, monsieur, marchez. Où, monsieur? Suivez-moi. Où donc? Vous le saurez. Marchez, de par le roi. Comment? Oula! Quel a-t-il prévu mon maître? Quel chemin a-t-il pris? La porte ou la fenêtre? À l'autre. Je ne sais qu'est devenu son fils. Et pour le père, il est où le diable l'a mis? Il me redemandait sans cesse ses épices. Et j'ai tout bonnement couru dans les offices chercher la boîte au poivre. Et lui, pendant cela, est disparu. Hé, hé! Que l'on se taise, là! Hé, grand Dieu! Me voilà, ma foi, dans les gouttières. Quel genre êtes-vous? Quelles sont vos affaires? Sur ces gens en Europe, êtes-vous avocat? Ah, parlez! Vous verrez qu'il va juger les chats. Avez-vous eu le soin de voir mon secrétaire? Allez lui demander si je sais votre affaire. Il faut bien que je l'aille arracher de ces lieux. Sur votre prisonnier, huissier, ayez les yeux. Oh, monsieur! Tais-toi sur les yeux de ta tête et suis-moi. C'est parfait. Donnez votre requête. Monsieur, sans votre aveu, l'on me fait prisonnier. Oh, mon Dieu, j'aperçois monsieur dans son grenier. Que fait-il là? Madame, il y donne audience. Le champ vous est ouvert. On me fait violence, monsieur. On m'injurie. Et je venais ici me plaindre à vous. Monsieur, je viens me plaindre aussi. Vous voyez devant vous mon adverse parti. Parbleu, je me veux mettre aussi de la partie. Monsieur, je viens ici pour un petit exploit. Monsieur, tour à tour exposons notre droit. Son droit, tout ce qui me dit sont autant d'impostures. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On m'a dit des injures! Outre un soufflet, monsieur, que j'ai reçu plus qu'eux! Monsieur, je suis cousin de l'un de vos neveux! Monsieur, père Gordon vous dira mon affaire! Monsieur, je suis bâtard de votre apothicaire! Comptabilité! Je suis comtesse! Huissier, bourgeois! Monsieur, parlez toujours! Je vous entends tout droit! Monsieur! Bon, le voilà qui fausse compagnie! Hélas! Quoi, déjà l'audience est finie! Je n'ai pas eu le temps de lui dire deux mots! Messieurs, voulez-vous bien nous laisser en repos? Monsieur, peut-on entrer? Non, monsieur, ou je meurs? Pourquoi? J'aurais fait dans une petite heure! En deux heures au plus! On n'entre point, monsieur! C'est bien de fermer la porte à ce crieur, mais moi! L'on n'entre point, madame, je vous le jure. Oh, monsieur, j'entrerai. Peut-être. J'en suis sûre. Par la fenêtre, donc. Par la porte. Il faut voir. On se devrait ici demeurer jusqu'au soir. On n'entendra pas quelque chose qu'il fasse, parbleu. Je l'ai fourré dans notre salvage, tout auprès de la cave. En un mot, commençant, on ne voit point mon père. Eh bien, donc. Si pourtant, sur toute cette affaire, il faut que je le voie. Mais que vois-je? Oh, c'est lui que le ciel nous renvoie. Quoi? Parle, soupirant. Il a le diable au corps. Monsieur, impertinent, sans lui, j'étais dehors. Monsieur, retirez-vous, vous êtes une bête. Monsieur, voulez-vous bien? Vous me rompez la tête. Monsieur, j'ai commandé. Et vous, vous dites-en? Que l'on porte à chez vous. On le mène en prison. Certains cartons de vin. Mais je n'en ai que faire. C'est de très beaux muscats. Redites votre affaire. Il faut les entourer ici de tous côtés. Monsieur, il va vous dire autant de fausseté. Monsieur, je vous dis, mon Dieu, laissez-la dire. Monsieur, écoutez-moi. Vous ferez que je respire, monsieur. Vous m'étranglez. Tournez les yeux vers moi. Elle m'étrangle. Oh, ma traînée. Ma fois. Prenez garde, je tombe. Ils sont sur ma parole, l'un et l'autre encavés. Vite, que l'on y vole, courez à leur secours. Mais au moins je prétends que M. Chicano, puisqu'il est là-dedans, n'en sorte d'aujourd'hui. L'intimé prend y garde. Gardez le soupirail. Va vite, je le garde. Misérable, il s'en va lui prévenir l'esprit. Monsieur, ne croyez rien de tout ce qu'il vous dit. Il n'a pas le témoin. C'est un menteur. Madame, que leur rendez-vous là? Peut-être il rende l'âme. Il lui fera, monsieur, croire ce qu'il voudra, tout près que j'entre. Oh non, personne n'en fera. Je le vois bien, monsieur, le vin muscat opère aussi bien sur le fils que sur l'esprit du père. Patience. Je vais protester comme il faut contre monsieur le juge et contre le carton. Allez donc et cessez de nous rompre la tête. Que de fous. Je ne suis jamais à telle fête. Monsieur, où courez-vous? C'est vous mettre en danger et vous boitez tout bas. Comment, mon père? Allons, permettez qu'on vous pense. Vite, un chirurgien. Qu'il vienne à l'audience. Et mon père, arrêtez. Oh, je vois ce que c'est. Tu prétends faire ici de moi ce qui te plaît. Tu ne gardes pour moi respect ni complaisance. Je ne puis prononcer une seule sentence. Chèvre, prends ce sac. Et doucement, mon père, il faut trouver quelque accommodement. Si pour vous, sans juger, la vie est un supplice, si vous êtes pressé de rendre la justice, il faut prendre pour ça sortir de chez vous, exercer le talent et juger parmi nous. Ne raillons point ici de la magistrature. Vois-tu, je ne veux point être un juge en peinture. Vous serez au contraire un juge sans appel et juge du civil comme du criminel. Vous pourrez tous les jours tenir deux audiences. Tout vous sera chez vous matière de sentence. Un valet manque-t-il de rendre un verre net, condamnez le l'amende. Ou s'il le casse, au fouet. C'est quelque chose. Encore passe quand on raisonne. Et les vacations, qui les paiera? Personne. L'orgage vous tiendront lieu de nantissement. Il parle, ce me semble assez pertinemment. Contraint de vos voisins. Arrête! Arrête! Attrape! Oh, c'est mon prisonnier sans doute qui s'échappe. Non, non, ne craignez rien. Tout est perdu. Titron! Votre chien vient là-bas de manger un chaperon. Rien n'est sûr devant lui. Ce qu'il trouve, il l'emporte. Bon, voilà pour m'en faire une cause. Main forte, on se met après lui. Courez tous! Point de bruit. Tout doux. Un amené sans scandale suffit. Ça, mon père, il faut faire un exemple authentique. Juger sévèrement ce voleur domestique. Mais je veux faire au moins la chose avec éclat. Il faut de part et d'autre avoir un avocat. Nous n'en avons pas un. Eh bien, il en faut faire. Voilà votre portier et votre secrétaire. Vous en prenez, je crois, d'excellents avocats. Ils sont fort ignorants. Non pas, monsieur, non pas. J'endormirai monsieur tout aussi bien qu'un autre. Pour moi, je ne sais rien, n'attendez rien d'une autre. C'est ta première cause et l'on te la fera. Mais je ne sais pas lire. Et l'on te soufflera. Allons nous préparer. Ça, messieurs, point d'intrigue. Fermons l'œil au présent et l'oreille à la brille. Vous, maître Petit-Jean, serez le demandeur. Vous, maître l'intimé, soyez le défendeur. Oui, monsieur. C'est ainsi qu'ils ont conduit l'affaire. L'huissier m'est inconnu, comme le commissaire. Je ne mens pas d'un mot. Oui, je crois à tout cela, mais si vous m'en croyez, vous les laisserez là. En vain, vous prétendez les pousser l'un et l'autre. Vous troublerez bien moins leur repos que le vôtre. Les trois quarts de vos biens sont déjà dépensés à faire enfler des sacs l'un sur l'autre entassés. Et dans une poursuite à vous-même, contraire... Vraiment, vous me donnez un conseil salutaire. Et devant qu'il soit peu, je veux en profiter. Mais je vous prie au moins de bien solliciter. Puisque M. Dandin va donner audience, je vais faire venir ma fille en diligence. On peut l'interroger, elle est de bonne foi. Et même, elle saura mieux répondre que moi. Allez et revenez, l'on vous fera justice. Quel homme. Je me sers d'un étrange artifice. Mais mon père est un homme à se désespérer. Et d'une cause en l'air, il le faut bien leurrer. D'ailleurs, j'ai mon dessein. Et je veux qu'il condamne ce fou qui réduit tout au pied de la chicane. Mais voici tous nos gens qui marchent sur nos pas. Ça, êtes-vous ici? Ce sont les avocats. Vous, je viens secourir leur mémoire troublée. Je vous entends. Et vous? Moi, je suis l'Assemblée. Commencez donc. Messieurs! Ah, prenez la plus bas. Si vous soufflez si haut, l'on ne m'entendra pas. Messieurs! Couvrez-vous. Oh, mais... Couvrez-vous, vous dites. Non, monsieur, je sais bien à quoi l'honneur m'oblige. Ne te couvre donc pas. Messieurs! Vous, doucement, ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. Messieurs! Quand je regarde avec exactitude... Exactitude. L'inconstance du monde et sa vicissitude. Vicissitude. vicissitudes. Lorsque je vois parmi tant d'hommes différents... Différents. Différents. Pas une étoile frite... Fixe. Fixe. Et tendrastres errants... Errants. Errants. Quand je vois les lézards... Les Césars. Les Césars. Quand je vois leur fortune, quand je vois le soleil et quand je vois la lune, quand je vois les états des Babyloniens... Babyloniens. Babyloniens. Transférés des serpents... Persans. Persans. Aux Macédoniens. Macédoniens. Macédoniens. Quand je vois les Lorrains... Romains. Romains. De l'état despotique. Despotique. Despotique. Passer aux démocrites. Démocratique. Démocratique. Et puis aux monarques. Chic. Chic. Quand je vois le Japon. Quand aura-t-il tout vu? Ah, pourquoi celui-là m'a-t-il interrompu? Je ne dirai plus rien. Un bouquin commode. Que lui laissez-vous finir sa période? Je suis sans kéo pour voir si du Japon il viendrait à bon port au fait de son chapeau. Et vous l'interrompez par un discours frivole. Parlez donc, avocat. J'ai perdu la parole. Achève, petit Jean, c'est fort bien débuté. Mais que font là tes bras pendants à ton côté? Te voilà sur tes pieds, droit comme une statue. Dégourdis-toi, courage. Allons, qu'on s'évertue. Quand je vois... Dis donc ce que tu vois. Ah, dame, on ne court pas de lièvres à la fouet. On lit. Dans la... Métamorphose. Comment? Que la mettant. Psychose. Et le cheval. Encore. Le chien. Le butor. Peste de l'avocat. Oh, peste de toi-même. Voyez cet autre avec ta face de carême. Va-t'en au diable. Et vous venez au fait. Un mot du fait. Mais faut-il s'en tourner autour du pot? Ils me font dire aussi des mots longs d'une toise, de grands mots qui tiendraient d'ici jusqu'à Pontoise. Pour moi, je ne sais point en faire de façon pour dire qu'un matin vient de prendre un chapon. Tant y a qu'il n'est rien que votre chien ne prenne. Qu'il a mangé, là-bas, un bon chapon du Maine. Que la première fois que je l'y trouverai, son procès est tout fait et je l'assommerai. Belle conclusion et digne de l'exemple. On l'entend bien toujours, qui voudra mordre une morde. Appelez les témoins. C'est bien dit, s'il le peut. Les témoins sont fort chers et n'en a pas qui veut. Nous en avons pourtant et qui sont en proche. Faites-les donc venir. Je les ai dans ma poche. Tenez. Voilà la tête et les pieds du chapon. Voyez-les et jugez. Je les récuse. Bon, pourquoi les récuser? Messieurs, ils sont du Maine. Il est vrai que du Mans, il en vient par douzaines. Messieurs... Serez-vous long, avocat? Dites-moi. Je ne réponds de rien. Il est de bonne foi. Messieurs, tout ce qui peut étonner un coupable... Tout ce que les mortels ont de plus redoutable semble s'être assemblé contre nous par hasard. Je veux dire la brique et l'éloquence, car d'un côté le crédit du défunt m'épouvante et de l'autre côté l'éloquence éclatante de Maître Petit-Jean m'éblouit. Avocat, de votre ton vous-même adoucissez l'éclat. Oui, là, j'en ai plusieurs. Mais quelque défiance que nous doivent donner la susdite éloquence et le susdit crédit, ce néanmoins, messieurs, l'encre de vos bontés nous rassure. D'ailleurs, devant le grand Dandin, l'innocence est hardie. Oui, devant ce caton de basse Normandie, ce soleil d'équité qui n'est jamais terni, victrix causa dis placuit, sed victa catone. Vraiment, il plaide bien. Sans craindre aucune chose, je prends donc la parole et je viens à ma cause. Aristote, primo, peripoliticon, dit fort bien... Avocat, il s'agit d'un chapon, et non point d'Aristote et de sa politique. Oui, mais l'autorité du péripatétique prouverait que le bien et le mal... Je prétends qu'Aristote n'a point d'autorité, séant. Au fait... Rosanias, en ses corinthiaques... Au fait... Rebuf... Au fait, le dis... Grand Jacques... Au fait... Arménopule, in pro... Oh, je te vais juger... Oh, vous êtes si prompt. Voici le fait. Un chien vient dans une cuisine, il y trouve un chapon, lequel a bonne mine. Or, celui pour lequel je parle est affamé. Celui contre lequel je parle, hautem plumé. Et celui pour lequel je suis prend en cachette celui contre lequel je parle. L'on décrète, on le prend. Avocat pour et contre, appelé, jour pris, je dois parler, je parle. J'ai parlé. Tata, voilà bien instruire une affaire. Il dit fort posément ce dont on a que faire et court le grand galop quand il est à son fait. Mais le premier, monsieur, c'est le beau. Ben, le lait. A-t-on jamais plaidé d'une telle méthode? Mais qu'en dit l'Assemblée? Il est fort à la mode.

Quel est cet enfant-là? C'est ma fille, monsieur. Et tout. Rappelez-la. Je vous êtes occupé. Moi, je n'ai point d'affaire. Que me disiez-vous que vous étiez son père? Monsieur! Elle sait mieux votre affaire que vous. Dites, qu'elle est jolie et qu'elle a les yeux doux. Ce n'est pas tout, ma fille. Il faut de la sagesse. Je suis tout réjoui de voir cette jeunesse. Savez-vous que j'étais un compère autrefois? On a parlé de nous. Oh, monsieur, je vous crois. Et dis-nous, à qui veux-tu faire perdre la cause? À personne. Pour toi, je ferai toute chose. Parle donc. Je vous ai trop d'obligations. N'avez-vous jamais vu donner la question? Non, et ne le verrai que je crois de ma vie. Venez, je vous en veux faire passer l'envie. Et monsieur, peut-on voir souffrir des malheureux? Bon, cela fait toujours passer une heure ou deux. Monsieur, je viens ici pour vous dire... Mon père, je vous vais en deux mots dire toute l'affaire. C'est pour un mariage. Et vous saurez d'abord qu'il ne tient plus qu'à vous et que tout est d'accord. La fille le veut bien, son amant le respire. Ce que la fille veut, le père le désire. C'est à vous de juger. Mariez au plus tôt. Dès demain, si l'on veut. Aujourd'hui, s'il le faut. Mademoiselle, allons, voilà votre beau-père, saluez-le. Comment? Quel est donc ce mystère? Ce que vous avez dit se fait de point en point. Puisque je l'ai jugé, je n'en reviendrai point. Mais... on ne donne pas une fille sans elle. Sans doute, et j'en croirais la charmante Isabelle. Es-tu muette? Allons, c'est à toi de parler. Parle. Je n'ose pas, mon père, en appeler. Mais j'en appelle, moi. Voyez cette écriture. Vous n'appellerez pas de votre signature. Est-il? C'est un contrat, en fort bonne façon. Je vois qu'on m'a surpris. Mais j'en aurai raison. De plus de 20 procès, ceci sera la source. On a la fille, soit. On n'aura pas l'amour. Hé, hey, monsieur, qui vous dit qu'on vous demande rien? Laissez-nous votre fille et gardez votre bien. Ah, mon père, êtes-vous content de l'audience? Oui, da, que les procès viennent en abondance et je passe avec vous le reste de mes jours. Mais que les avocats soient désormais plus courts. Et notre criminel? Ne parlons que de joie, grâce, grâce, mon père. Eh bien, qu'on le renvoie. C'est en votre faveur, ma bru, ce que j'en fais. Allons-nous délasser, avoir d'autres procès. Vous venez d'entendre Les Plaideurs, comédie en trois actes de Racine. Nous vous en rappelons la distribution. Messieurs Denis Dinès, Dandin, Jean Weber, Léandre, Jean Meyer, L'Intimé, Jacques Charon, Petit Jean, Georges Chamara, Chicano, Georges Poulot, Le Souffleur. Mesdames Denise Jeance, La Comtesse, Jeanne Moreau, Isabelle. Ainsi prend fin notre matinée classique donnée avec le concours de la troupe de la Comédie Française sous la direction artistique de Jacques Régnier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 décembre 1949. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.